micro. Va-t'en envie de grossir le flot. Tu n'es que des beaux faits, des prolos. Et un, et deux, tu peux passer. Et deux, et trois, que faut-il. Attention, on peut vous fermer. Et un, deux, trois, parfait. Les grosses matrones toujours pressées se ruent dans l'escalier. Elles ont intérêt à se grouiller, sinon le patron va gueuler. Nya. Tiens, une place assise, vite avant qu'elle ne soit prise. Ah, c'est loin la terre promise.